n'a pas changé, boss la musique, ça gros message la donne. Maman me parle, mon pile, et mettez me surveiller, on est capable d'enregistrer le poulet. Sa gon l'obey la donne. Maman m'parle m'en pile, ni mette m'surveille, on capable enregistrer le fouli. Oh oh, quand des sa yon di, l'on fait mal, ou paye sa quand même. L'argent, où les jours arrivent, on va bien changer pour pas d'aller. Wow, wow. Mal.